You give me fever in the morning, fever when you hold me down. You give me fever in the morning, you give me fever in the evening, fever when you hold me down. You give me fever, fever when you kiss me, fever when you hold me tight. You give me fever, fever in the morning, fever all through the night. The sun lights up the daytime, the moon lights up the night. I light up when you call my name, and I know you're gonna treat me right. You give me fever, you give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. You don't know this song? Toute la pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de même. Toute la pluie tombe sur moi de tous les doigts. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive, ce que j'ai fait au bon Dieu.